Non, vous ne rêvez pas. Il s'agit plutôt de la réalité qui s'avère être un cauchemar, puisque vos réanimateurs sont de retour après pratiquement 4 mois de presque silence. Sinistros, votre bon docteur Pendragon et Réanimation sont de retour sur les ondes afin de vous prodiguer les pires soins possibles. Pendant les derniers mois, Sinistros et moi avons fait une mise au point sur la façon de faire les choses. C'est-à-dire que dorénavant, il n'y aura plus aucune programmation faite en fonction des goûts des auditeurs. Et pourquoi? Ben, c'est simple. Les auditeurs n'ont aucun goût. Nous avons pourtant essayé toutes les manières possibles. À la broche, sur le feu de bois, dans une cocotte en mijotant lentement, dans un wok à la vapeur avec des légumes. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez aucun goût! Donc, les émissions de réanimation seront désormais programmées en fonction de nos goûts respectifs. Je sais, ils sont mauvais. Mais c'est mieux que de rien goûter. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant. Surtout lorsqu'il n'est pas question de médecine nucléaire, mais bien de médecine culinaire. Priez pour ne pas y survivre. Ou de ne pas perdre un bout. Enfoiré, Gosphere is our fucking business. We are Undead Incorporated, 'cause we said so. Débutons en douceur. Go! We'll be right back. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette première édition du retour automnal de réanimation des Undead Incorporated Show. Je suis Dr. Ben Pendragon, je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de mon comparse et complice partner in crime, Sinistros. Bien le bonsoir à tous nos auditeurs. À tout notre auditeur. Oui, c'est ça que je m'en avais dit. À tous nos auditeurs qui... Hein? Oui. On pourrait le nommer, mais on ne le nommera pas. Bonjour, ben, Dominique. Ben, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Bonjour, Dominique. Comment vas-tu, Sinistros? Ça va très bien, et vous, mais on s'en fout, c'est pas grave. Ben, moi, je m'en fous pas. Ah, OK. Non, ben, comment je vais? Non, tu t'en fous pas comment tu vas. Pas si mal. Pas si mal. Oui, quand même presque 4 mois d'absence de réanimation. Oui, ce fut long, je t'avoue. Tu vois? Oui. Non, moi, j'ai trouvé ça correct de pas te voir. Ah ben. non, mais ça, c'est correct. On en reparlera de ça. Non, faut savoir que Sinistro, c'est moi. C'est pas parce qu'on cohabite dans la même morgue qu'on se voit nécessairement. Effectivement. Là, hein? Elle est très vaste et on essaie de prendre des appartements très éloignés les uns des autres. Oui, parce qu'il y a certains qui puent plus que d'autres. Ouais, comme toi. Non, on s'est vu quelques fois quand même au courant de l'été. On a communiqué pas mal ensemble au niveau de divers trucs généralement d'ordre musical. Et on se retrouve ce soir pour reprendre le collier de réanimation et ce jusque probablement au printemps prochain, je suppose. Oui, oui. Ceci dit, est-ce que ça nous fait plaisir d'être ici? Je sais pas. Non. Ben, vraiment pas du tout. D'autres, on l'a dit, on... Pourquoi tu fais ça? C'est parce qu'on est maso. Oui. Ça fait partie de notre karma. C'est cela. Hey, tu étais de bloc tout en heavy metal. Tu me surprends énormément. Ben, j'étais pas mal dans le New Wave of British Heavy Metal. Tabarnouche! Ouais, ben, si je me laisse aller des fois à certaines faiblesses. Mais c'est bien. Non, ben écoute, j'avoue que ce que j'ai programmé là, c'est parce que j'aime ça. C'était là, très... Hein? Bon, c'était pas si mal. On vient d'entendre à l'instant la formation d'Angleterre, Tigers of Pentang. Formation qui existe toujours aujourd'hui, mais on s'entend sous une autre forme maintenant. Je crois qu'il ne reste qu'un seul membre original. Ça n'a pas toujours été 100% bon, comme nombreuses formations issues de cette époque glorieuse. Tout à fait, absolument. Tu vois, la formation a quand même arrêté là, entre 87 et 99 avant de reprendre jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une formation emblématique tout de même de cette bannière. Ben oui, ça a été des pionniers du New Wave of British Heavy Metal. Tout à fait. Moi, je me rappelle clairement en 1980 d'avoir entendu cette pièce Fire Clown qui est tirée de Wildcat, leur premier album, qui est paru le 23 août 80, d'avoir entendu ce premier album-là, il m'a dit « Wouh! » Oui, c'est ça. Ben moi, j'avais connu Tigers of Pentang avec la reprise de Love Potion No. 9. Okay. J'avais trouvé ça vraiment cool, fait que j'étais allé m'acheter des albums, puis c'est encore plus cool. Oui, tout à fait. Juste avant, nous avions un classique, Ozzy Osbourne de Birmingham, en Angleterre, bien entendu. Ozzy, qui est associé à Black Sabbath indéniablement. Et c'était son premier album solo en 80. Sensiblement le meilleur. Oui. Ben, écoute, moi, j'aime beaucoup Die of Madman aussi. Oui, c'est un bon. Les deux premiers, je les aime bien. Bref, Blizzard of Oz, qui est paru, comme j'ai dit, en 80, c'était la pièce I Don't Know, qui est aussi une pièce très emblématique de cet album. Je voulais pas passer Crazy Train parce que ça passe partout, là. Hein? Même à un poste qu'on connaît tous anglais de surcroît. Oui, tout à fait. Peut-être même à rouge aussi. ouvert avec Jules Priest également de Birmingham. Et la pièce Rapid Fire, qui est la pièce d'ouverture, cette version-là américaine, nord-américaine, de British Steel, qui était leur 7e album paru le 14 avril 1980. Ce soir, Sinistro, c'est moi, avoir quand même passablement de nouveautés à vous proposer. Et quand on dit nouveautés, faut spécifier, c'est aussi des trucs qui sont assez récents et d'autres qui nous ont peut-être plus marqués au courant de l'été dernier. Ben, je dis l'été dernier n'est pas fini, là, officiellement, ça se termine cette semaine. Mais c'est sûr qu'on a passé 4 mois à pas pouvoir faire de présentation, mais il y a quand même... Ben, moi, je l'ai fait. Oui, toi, tu l'as fait avec tes capsules et tout. Mais la Terre n'a pas arrêté de tourner parce qu'il n'y avait plus de réanimation. Il y avait des albums quand même. Ah oui, c'est vrai que... C'est vrai que d'où ce que je viens, ça virait plus fort. Là. La Terre n'a pas arrêté de tourner. Elle s'est retournée sur le sens. Elle est devenue plate tout d'un coup. Non, mais c'est vrai que... mais écoute, avoue honnêtement qu'on n'a pas été super choyés depuis un bon nombre de mois. Ça commence à débourrer À débourrer tranquillement. Mais ça a fait ça l'an dernier aussi. Hein? Oui. Mais au courant de l'été, il y avait des trucs. Puis comme je l'ai expliqué lors d'une des chroniques que j'ai faites sur le site de réanimation... Bon, en parlant de je ne sais plus quel album et quel groupe, disant que en temps de récession, de nouveautés musicales, on creuse plus profond, hein? Bien, on s'entend que 2018, comparativement, mettons, 2017 ou 2015, c'est pas une grande année de grand cru. Non, non. On nage pas dans l'allégresse métallique. Et ni dans l'abondance. Non, non. Non, non. Donc, ça force à aller chercher un peu plus loin, à trouver des groupes qui sont peut-être plus underground, underdog. Ouais. Mais des fois, il y a des petits bijoux qui se cachent au travers de ça. Donc, on a quand même quatre présentations à vous faire au courant de l'émission. Mais je vais laisser mon ami Sinistros nous présenter ses premières sélections musicales qui sont franchement fort déplaisantes. Oui, comme à mon habitude. J'ai choisi d'y aller tout en 2018. Des vieilleries. Justement pour pallier au manque de présentation d'albums au courant de l'été. Fait que j'ai fait des blocs juste pour présenter des bons trucs que j'ai appréciés quand même pas mal durant les quatre derniers mois. Vous voyez, avec un bloc... T'es assez doomstoner, hein? Ouais, mais tu sais, moi, je vois tout le temps, vous savez, en thématique, hein? Ouais, les thématiques, ils ne peuvent pas, là, mais bon. Ils ne tiennent pas de bout, mais c'est pas grave. Non, le mot thématique est là. Ouais, c'est juste mais là. C'est la thématique, c'est thématique, ça ne tient pas de bout. oui, un bloc tout en doomstoner. On va commencer avec Candlemass. Candlemass qui a sorti un mini-album en 2018, plus précisément le 25 mai. Ouais. Là, vraiment la journée de notre dernière émission. C'était le 22. Bon, c'est ça. House of Doom qui fait office de trame sonore d'un jeu vidéo. Oui. Qui est pour le groupe, dans le fond. Oui. Fait que Candlemass a fait un jeu vidéo. Candlemass ont sacré Mats Levin de War. Ah oui? Oui. Et pour quelle raison? On ne le sait pas. Ils sont allés rechercher le chanteur qui chantait sur le premier album qui est de retour là. Ah oui? Ils sortent un album très bientôt avec ce... Ils disent... Là, tu ne me parles pas de... Non, mais pas Messiah. Okay. Le premier, c'est le premier album. J'ai eu peur. Fait que John Lingvish, je pense qu'il s'appelle. Allez voir ça. Dans le fond, Life in League, il dit qu'on tourne la boucle. Est-ce que ce sera le dernier album de Candlemass? C'est très possible. Ouais, mais tu sais qu'il y a lui pas est si malade, longtemps. Lui. Ouais. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, il avait dit que c'était terminé les spectacles. Oui, c'est ça. Est-ce que. Je crois pas à ça, moi, Sinistros. Non. Judas Priest a fait une tournée d'adieu il y a bon nombre d'années. Il était là cette année. Slayer fait une tournée d'année. Je suis bon volé. Ah, peut-être. Ouais, anyway. Toujours est-il que je serais curieux de voir Past Member. Tu m'as dit... Là, il est là présentement dans la nouvelle formation. On va se regarder sur notre Metal Archive préféré. Ouais. Normalement, il devrait faire partie des membres actuels. Johan Lundqvist, quelque chose comme Lundqvist, ça. D'accord. On va aller écouter ça. Ben, après ça, on aura Lucifer. Lucifer avec le deuxième album, Lucifer 2, qui est totalement différent de Lucifer 1, mais tout aussi intéressant. Oui, je suis d'accord. On revisite des vieux classiques du hard rock... assez britannique par bout. Puis on va terminer ça avec Orange Goblin, avec un album qui t'a frappé très, très fort. Tu l'as bien aimé, toi. Oui. Dans leur discographie, selon moi, c'est un de leurs meilleurs. D'accord. Go! Allons-y, Candlemass, House of Doom. Let's go. Darker than ember, dark like your bones. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Le 24 septembre prochain, Milky Chance fera son unique arrêt en sol québécois à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour sa tournée Blossom. Billets en vente sur amphithéâtrecogeco.com. Strauss? Oui. Devine qui vient dîner. C'est pas grand-mère. Ah non, c'est vrai, t'es encore kidnappé. Oh, bonjour. Il s'est vachement ennuyé. C'est hein? clair. Toi? Non. Moi non plus. Est-ce qu'on n'est pas fin? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre comme élucubration, là? On vient d'entendre Orange Goblin. Ah, c'est eux autres, ça! Ouais, c'est mon... Mais... Eux autres, c'est pas Grey Goblin, c'est Orange Goblin. Ouais, leur 9e album, je pense, hein? Si je me trompe pas, oui. The Wolf Bites Back, tiré de l'album titre The Wolf Bites Back, qui est paru en 2018 sur Candlelight. Tu sais, tu l'as bien aimé, toi, cet album-là. Hein? Oui, moi, j'ai... Tout est correct, moi. Il m'a pas sauté dans la face comme à l'époque de LLG for the Dam. LLG for the Dam m'a vraiment... C'est différent. C'est différent, mais moi, je le trouve très, très bon. Non, c'est pas bien. Ça groove, là. Ça, c'est cool. Oh, oui. Lucifer, avec l'excellente California Sun, qui est paru sur Lucifer 2. Les California Sun, S-O-N. S-O-N, ouais, c'est ça. Oui, c'est pas le soleil. Ouais. Eh, petit cachotier. C'est bien lourd. C'est paru. Paru l'autre fois. Ben, paru l'autre fois. C'est paru le 6 juillet. 6 juillet, ok, tu l'avais pas écrit. C'était... Ah oui, il est marqué, ok. Ben oui, c'est pas lire, c'est pas ma faute. C'est bien. Sur Century Media. Et on a débuté avec Candlemas et House of Doom, paru sur le mini-album du même nom. House of Doom, paru le 25 mai. Candlemas qui s'en vient avec un nouvel album et un ancien nouveau chanteur. Un ancien nouveau chanteur. Et ce n'est pas Messiah, mais Nolim. Et j'en suis bien heureux, je vais te dire, parce que moi, je l'aime pas tout, lui. Mais... Ben, on va essayer de pas perdre trop de temps, si tu veux, on passe les niaiseries à la fin de l'émission, là. D'accord. Vous voyez qu'une première présentation, qui est de la formation américaine du Missouri, Cast the Stone. Formation qui a vu son premier album paraître en 2005, du titre de Dark Winds Descending, et qui nous sont revenus seulement que cette année, le 31 août, à la fin août, pour faire paraître leur deuxième parution, qui est en fait un EP, qui s'appelle Imperium Atrophy. Et Cast the Stone, c'est une formation de death metal qui, dans lesquelles voit, entre autres, dans son alignement, Mark Kloppel. Mark Kloppel, c'est aussi le gars de Misery Index. Oh! C'est aussi le gars de Score avec Phil Anselmo et un paquet de bandes comme ça. Bref, je suis tombé par hasard sur cette parution-là, ce mini-album, ou EP, si vous préférez, de Cast the Stone, et j'ai été comme très, très, très emballé. On va aller écouter deux pièces et je vous en dis ce que j'en pense en long et en large par la suite. On va écouter les pièces As the Dead Lie, qui est la première, tu devrais aimer ça, et on va y aller avec la pièce titre Imperium Atrophy, Cast the Stone, let's go! Hey, this is Mark Kloppel from Cast the Stone. You're listening to Reanimation, the Undead Incorporated show on CFOU 89.1 FM. Pray not to survive. 19h53. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show avec ce singulier saugrenu. Non, saugrenu, c'est vrai, je t'avais jamais dit ça, toi. Saugrenu. Non, c'est le Rockmaster qui m'appelle saugrenu. Mais je trouve que ça doit bien aussi. Oui. Sinistros. Bon, on vient d'entendre la formation américaine du Missouri. Hein, le Missouri, ça, c'est où, ça? C'est à côté du Missouri. Ouais, je pense que t'as rien compris encore. Je l'ai dit au début, c'était aux États-Unis. Tu verrais? Mais non. Je pensais que c'était au Japon. C'est à côté de Saint-Pacôme. Saint-Pacôme. Oui. Cast the Stone et deux titres de leur plus récente parution, Imperial Atrophy, qui est leur deuxième parution dans les faits, qui est un EP aussi, ou un mini-album si vous préférez, ou un maxi. Moi, je trouve que ça n'a aucune allure de dire qu'un EP devient un maxi. Ben, alors que l'histoire est que... Ils appellent ça, c'est ça, c'est en France. Ils appellent ça un maxi. Mais tu sais, un 12 pouces, un maxi ou un 33 tours, ça a tout 12 pouces, là. Ben c'est ça, c'est ça, tu sais. Moi, si j'appelle ça un super C, bon, au lieu d'un maxi. Un super C. Oui. Donc, Imperial Atrophy, les pièces étaient Imperial Atrophy, la pièce titre qu'on vient d'entendre à l'instant, et c'était précédé par la pièce ouverture de ce mini-album, As the Dead Lie. J'ai beaucoup aimé cette parution, j'ai beaucoup aimé le groupe aussi, puis trouvé fort sympathique Mark Koppel aussi de vouloir nous faire un ID pour l'émission. C'est du death metal. Est-ce qu'on peut le qualifier de technical? Je suis pas certain. Est-ce qu'on peut le qualifier de brutal? Je suis pas certain non plus. Non, c'est bien fait. C'est oui, je trouve ça fort correct. Il y a des petits côtés groovy, petits côtés trash. Oui, puis je te dirais côté que... côté quasiment à graines des bouts. Hein, ben oui, parce qu'on sent... Mark Klopper, les Misery Index, ça touche beaucoup au grind en tant que tel. Les pièces sont tous bonnes. Par contre, c'est un peu court. Les pièces sont un peu courtes. Ce qui veut dire que dans du death metal, tu t'attends tout le temps à avoir des pièces qui durent autour de 5 minutes, 5 minutes 30. Alors que là, tu as des pièces qui durent à peine 3 minutes. Mais je lui ai accordé quand même un 8,5 sur 10. Donc, ça pourra faire partie certainement de la rétro Undead de 2018. Fait qu'il s'en vient à grands pas. Ouais, monsieur. C'est maintenant à ton tour de nous présenter quelque chose. Ben, croyez-le ou non. Ben, je le crois pas. Ben, OK. Faut qu'on arrête ça là. OK. On va me sauver du black metal. Salut! Yeah! Immortal. Ben oui. Sont réellement immortal, finalement. Ben, semble-t-il. Suite au départ de très controversé de Abbath, qui eût cru que ce groupe était pour revenir en pleine explosion? Mais là, il faut que je te pose une question. Oui. Ils étaient trois. Oui. Ils sont combien, mais? Deux. Qui fait quoi? Ben, il y a à peu près n'importe qui, n'importe quoi, là. OK, fait que, mais... Démonaz est revenu à la guitare et au chant. OK, au chant, ah, au d'accord. Chant. Voilà. C'est... Oui, c'est bien. C'est chant étant un grand terme, en l'occurrence. Puis t'en as un autre, ben, qui joue du drum. Oui, du tambour. Du tambour. Voilà. Alors, ces deux compères ont réussi à nous sortir un album plein la tronche. Oui, j'en doute pas du tout. mais toujours est-il que... Mais toujours est-il que c'est du très, très bon Immortal. Le fan fini d'Immortal se perd pas du tout là-dedans. Non. Ça sonne Immortal. OK. Sans la voix de canard de Abbath, finalement. Est-ce que tu préfères ça? Ben, c'est différent. Ouais. Mais tu sais, t'as toujours le son Immortal avec le type de riff. OK. Tu sais... C'est sûr que Abbath faisait beaucoup dans Immortal, mais Star qui n'est plus là, ben. Mais il fait plus rien dans Immortal. Il fait plus rien dans Immortal. On passe à un autre appel. C'est une conclusion. Mais c'est un très bon album que je pense que je lui ai donné un 9 sur 10. Tu penses ou. Ben, il me semble que oui. Ah, ben, 9 sur 10 de ta part. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Quoique 8,5 de ta part, c'est vraiment excellent. Ben. Pourtant, c'est toi, tes critères sont rendus beaucoup plus pointus que les miens. Ben, ils sont pas pointus. Moi, c'est juste c'est savoir... C'est dans des petites boîtes carrées dans un Excel, c'est pas pointu. Ben, moi, mes critères, là, Sinistro, sont simples. Oui. Y a-tu une pochette? Je l'aime-tu? Oui. Y a-tu de la musique sur l'album? Oui, c'est correct. Bon, OK. Tu veux, moi, personnellement, maintenant que je chronique un album, je m'en fous de la pochette. Ouais, pas moi. Ben... Ça fait pas l'album, selon moi. Tu sais, non, mais ça peut défaire l'envie de l'écouter. Ça peut effectivement défaire l'envie de l'écouter. Fait que c'est pour ça, moi, je download tout. Ça prend pas de place. Non. Tu dépenses pas ton cash. Non, t'as bien raison que quand on discutait du vinyle, là, ça prend de la place. Effectivement, puis on achète, puis on achète, puis on achète. Ça arrête plus. Là, Puis même à un moment donné, c'est comme là, tu sais, je regarde Void Void, une sorte de weight, là. Ouais. Je l'ai commandé en vinyle. Mais c'est sûr que je vais l'acheter en CD aussi. Hein, c'est, oui. C'est pas grave. C'est une maladie, ça. Fait que pour les auditeurs, ce que j'ai dit sur l'histoire du download, là, c'est le contraire. Là. Non, j'achète non, énormément. Non, je sais que t'es un consommateur averti. Oui. Alors, Immortal, avec la pièce titre de l'album Norton Chaos of Gods, qui est paru le 6 juillet 2018 sur Nuclear Blast. On va entendre la pièce titre et ainsi que Into Battle Ride. Alors, bon black metal, mon cher Pendragon. Certain, oui. Let's go. We'll be right back.

Into Battle Ride et la pièce titre de l'album Norton Chaos of Gods. C'est paru sur Nuclear Blast le 6 juillet. Tu sais, Mortals fait partie des... Mortals, devrais-je dire, pas Holes, fait partie des rares groupes de black metal que je... m'apprécie peut-être un grand terme, ben pour le moins que je supporte. Mais je m'étonne rapidement d'écouter ça. Ben, c'est sûr que ça devient redondant à la longue. C'est très redondant. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bon, pareil. C'est correct. Dans le genre, c'est un des corrects, selon moi, là, qui est le plus, je dirais... raffiné, si on peut dire ainsi. Raffiné. Ouais. Encore une fois, c'est un grand terme, j'en conviens. Chronique cinéma... Tu fais ça. Ouais, j'ai tendance à faire ça, effectivement. D'ailleurs, je me suis même permis de le faire tout au long des chroniques estivales en série. Durant l'été, j'avais des chroniques qui duraient entre 30 et 40 minutes bi-hebdomadaires, et puis je suis pas bon empêché de faire des chroniques de cinéma. Non, ben c'est sûr, à un moment donné. Mais... c'est pas toujours bon, mais bon. En fait, c'est rarement bon ce qu'on fait, mais bon, on aime tellement ça. On aime ça faire de la scrap, nous autres. C'est comme les bandes black metal. Oh oui, c'est ça. Mais il faut aimer ça faire de la scrap, tu sais. Ben, quelqu'un qui s'applique. Puis il y a beaucoup de monde qui aime la scrap. Non, ben, c'est ben, fini, t'en fais plus. On devrait la vendre, la scrap. est-ce que tu as vu Jurassic World 2 Fallen Kingdom? Sérieusement, non. Non? Sérieusement, ça m'intéresse peut-être même pas. Ah, d'accord. Sérieusement, j'ai vu Jurassic World. Oui. J'ai tellement trouvé ça mauvais que ça me rappelait le mauvais Jurassic Park, finalement. Ah, ben écoute, moi, j'ai tout le temps trouvé un certain charme dans cette série-là. Les effets sont vraiment hot. Oui, ben, bien les sûr. Les dinosaures, absolument. C'est vraiment hot. Oh, oui. Mais l'histoire, c'est tellement nul. Mais ah, mais non, tu regardes pas ces films-là pour l'histoire. Ah, c'est de son fermé, OK. Oui, tu écoutes ces films-là simplement pour le divertissement du grandiose. C'est tout. Donc, moi, dans cet esprit-là, Jurassic Park, là, les 1, 2, 3, je me rappelle plus, Jurassic World, comme tu viens de le dire, et le deuxième, je les ai tous vus avec un minimum d'intérêt qui s'est avéré être un intérêt de divertissement tout à fait comblé. Donc, Jurassic World 2 avec Joaquin Phoenix, avec, comment il s'appelle déjà, lui? Jeff Goldblum. Qu'on voit à peu près pas, malheureusement. Ben, ouais. Il est quand même... correct. Je trouve que c'est un divertissement fort correct et il est tellement bien fait techniquement. Là. Oui, j'imagine. C'est incroyable. Donc, dans le genre, si vous êtes amateur de dinosaures, parce que, ben, vous devez être amateur. Si vous êtes amateur de dinosaures. Allô, Madrid. Vous êtes amateur de réanimation parce qu'on est des dinosaures. Allô, Madrid 2.0, vous allez être correct. Oui, il y en a moins qu'avant, je pense. Je sais pas, je vais arrêter. Non? Ben, moi non plus. Mais on les voit sur le bord d'autoroute. Oh, oui. Mais autre film, par contre, que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, j'ai écouté le week-end dernier, c'est la deuxième tranche de Star Wars Story, soit Solo. L'histoire... Toi, ça, tu fais une chronique de Star Wars à l'émission? Mais je suis un fan de Star Wars. Ah, ouais. Oui, oui, je suis un fan fini de Star Wars. Dernière fois que j'ai fait une chronique de Star Wars, je me suis mérité une flopée de... Oui, parce qu'il était pas bon. Parce que... Non, mais je suis un fan fini de Star Wars, mais on s'entend du classique de Star Wars. Oui, oui. Les deux dernières suites qui ont été faites... Ben, la dernière était moins pire, mais l'avant-dernière, c'était épouvantable. Là. Moi, ce que je reproche à ça, c'est Walt Disney avec sa grosse patte enfantine là, qui vient rendre toutes les choses tellement familiales que t'as l'impression d'écouter l'héros du samedi, là, tu sais. Ah, c'était pas ça? Ben, c'est peut-être ça, finalement. L'héros du samedi qui pratique des sports au laser. Des sports au laser. Donc, Han Solo, qui est un film de Ron Howard, très bon cinéaste en passant, un vieux de la vieille, et je me permets de dire, un qui a compris l'esprit de Star Wars, l'esprit de George Lucas de Star Wars, doit-on dire. Ça met en vedette Alden Aaron Reich, qui interprète Han Solo, et j'avais un certain doute. Oui, moi aussi, mais il a bien fait la job. Tout à fait. Ouais. Au bout de quelques minutes, j'étais convaincu. Woody Harrelson, qui est très bien aussi dans son rôle de Beckett. Emilia Clarke, la jolie Emilia Clarke. Ben oui. Très différente de son rôle Targaryen, de Daenerys, effectivement. Ben oui. Et moi, je me disais, en écoutant Game of Thrones, d'ailleurs, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis en train de toutes les retaper. Ouais. Là. Mm-hmm. Ma blonde et moi, on les retape toutes pour l'attendre la conclusion de 2019. Je me disais, la majorité des acteurs qu'on retrouve dans ce genre de série qui devient culte à quelque part, doivent avoir de la difficulté à se dissocier du personnage envers les rôles potentiels qui peuvent se faire offrir. Mais finalement, non. Mais pas pour Emilia Clarke, parce qu'elle s'en tire très, très bien dans son rôle de Kira, qui, soit dit en passant, il n'y a pas personne de gentil là-dedans. Hein? Non. À part Chewbacca. Même là... Mais encore, il a fallu qu'il convainc un peu. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai beaucoup aimé Solo, l'originalité, la façon qu'on a apporté le personnage, comment sa rencontre avec Chewbacca, justement, comment son acquisition avec le Faucon Millennium, et aussi la naissance de cette rébellion qu'on voit subtilement arriver. Le jeune Lando qui est tout à fait, peu recommandable, pour préciser. Mais pour les fans de Star Wars, c'est un petit peu dommage, parce que j'ai appris cette semaine que Disney avait mis sur la glace tous les spin-offs à venir. Très plat. Malheureusement, Solo a engrangé seulement 350 millions en recettes, ce qui est vraiment trop peu. Ouais, mais comme tu me l'expliquais en honte, tu avais raison de dire que la date de lancement n'a pas été bien choisie. Le côté marketing a été vraiment nul à chier, excusez l'expression mais en c'est honte. Le cas, c'est le cas. Mais c'est le cas. Tu mets pas un Star Wars 6 mois après un autre Star Wars. Non. Puis surtout pas l'été. Surtout pas l'été. Non. Les autres, ce qu'ils ont voulu faire, c'est qu'on va faire Solo. On va faire comme le premier film de Star Wars qui était sorti en mai. Mm-hmm. Mais c'est parce que c'est le seul qui est sorti en mai à New Hope, là. Oui, exactement. Tous les autres sont tous sortis en décembre. Et n'oublie pas que New Hope, quand il est sorti, c'était le premier de la saga. C'était le premier de la saga, c'est ça. Il y avait l'effet curiosité énorme qui attirait. C'est effectivement un mauvais choix d'avoir sorti ce film-là en mai. Mais par contre, pour les amateurs de Star Wars qui recherchent ce qu'ils ne trouvent pas dans les suites actuelles, revenez Star Wars Story, vous allez trouver ça avec Rogue One et compagnie. Tu vois des petits clins d'œil à un moment donné. Plein de clins d'œil. Tu vois, à un moment donné, Greedo qui passe. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, vraiment, on nous campe vraiment vers ce que New Hope était en devenir, si on veut. Oui, c'est ça. Donc, avec Rogue One, ça a été une très belle. Ça aussi, définitivement, ce sont deux bons chapitres de Star Wars. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec les choix qui sont encore une fois fort douteux et discutables de notre ami Sinistros. Et on change de registre musical cette fois-ci. Oui, on y va dans un côté un peu plus progressif. Donc, on va y aller avec mon bloc 01. C'est-à-dire 01, c'est quoi ça 01? Il s'appelait pas 01, mon bloc. Isan. Bon, je l'ai rebaptisé, tes blocs. Ah, t'es rebaptisé? Oui, 01, je trouve ça fait trop binaire. Hey, joue-moi dans la toune 2. J'ai pas le temps. Okay. Fait qu'on va y aller avec, vous savez que le progressif et métal, maintenant, c'est devenu une entité à part entière. Absolument. On a des bands qui sont pas très, très bons dans ce qu'ils font. Absolument aussi. Et il y en a qui sont vraiment, vraiment puissants, sont vraiment forts. Isan, qui était le leader de Emperor, sort d'album en album. C'est toujours très intéressant ce qu'il fait. Il explore beaucoup de synthétiseurs. Oui, très explorateur. C'est vraiment pété son affaire. Mm-hmm. Puis, t'es capable de t'apercevoir que le gars, il sait vraiment chanter. Là, il fait pas juste gueuler. Il a une très, très bonne voix. Il sait jouer. C'est un musicien accompli. Là. On va y aller avec le nouvel album Amer qui est sorti le 4 mai sur Candlelight avec la pièce Lend Me the Eyes of Millennia. Écoutez la run de synthétiseur qu'il y a là-dedans. C'est un arpégio qui tue tout le long de la toune. Puis le gars, il a été capable de tricoter une toune au complet là-dessus. Ce qui n'est pas évident. C'est vraiment capoté. On va aller avec la formation anglaise Voices. Je connais pas. Voices, j'ai découvert ça quand j'ai découvert l'année passée la formation Akerkoke. OK. Il y a plusieurs bands qui virent alentour d'Akerkoke. Il y a Voices, il y a The Antichrist Imperium qu'on va entendre un peu plus tard. Puis ils jouent tous dans un genre de même registre. Donc, une espèce de death black metal complètement éclaté avec beaucoup de passes à la King Crimson et progressif Pink Floyd. Ouais. C'est ça, t'as des côtés très planants et des côtés très agressifs. C'est vraiment pété. Voices avec la pièce Rabbit's Curse qui est parue sur l'album Frighten le 27 avril que j'ai découvert il y a 3 semaines. Et The Antichrist Imperium, qui a encore des membres de Akerkoke et Voices, avec la pièce Death Ritual. C'est paru sur l'album Volume 2, Every Tongue Shall Praise Satan. J'ai regardé ça, c'est tout des vieilleries. Ben oui, dans le fond, ça a quelques mois d'âge. C'est tout des vieilleries. C'est tout vieux. Bon, allez, fait qu'on commence tout avec Isan. Écoutez bien la run de synthé, c'est complètement génial. Let's go. snakes and worms, spreading forth their dreams and their rabbit curls. Le 24 septembre prochain, Milky Chance fera son unique arrêt en sol québécois à l'Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières pour sa tournée Blossom. Billets en vente sur amphithéâtrecogeco.com. Hey! Pour notre gala de financement de notre asso, on pourrait partir notre ghetto blaster puis notre grosse lampe? Mouin! Tu veux que le party lève? Fais affaire avec des professionnels du son et de l'éclairage. Odyssée Sonorisation Éclairage Vidéo offre un modèle unique d'affaires en Mauricie et même ailleurs au Québec. Que ce soit pour la location, la vente ou l'installation, Odyssée s'adapte aux projets de n'importe quelle ampleur. De plus, un service d'experts sur mesure est offert. Odyssée, c'est la référence pour rendre vos événements mémorables. Fou d'exploration. C'est fou, 89.1. Bon, on était pas prêts, hein? Hein? On était pas prêts. On était pas prêts. Avec tes histoires de pochettes de Omen, toi, là. Ben oui, mais là. Ça, je te disais que moi, plus jamais, on va me laisser attendrir par une très belle pochette. Ah, non, moi, au contraire, là, je le répète, là, un bel emballage, pour moi, est très teaser. C'est le fun, c'est très le fun. Puis il y avait des fois, t'as un bel emballage, puis tu mets la galette, puis ben non, tu mets ton CD, tu fais... Oui, mais c'est pour ça qu'il y a les Bandcamp qui existent. Pour aller te faire une idée avant d'acheter. Mais oublie ça, là, ça n'existait pas dans notre temps, les Bandcamp. Non, mais maintenant, oui, vis un peu de ton temps, vieux okay, coton. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on vient d'entendre comme niaiserie? Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? The Antichrist Imperium, groupe anglais, avec la pièce Death Ritual, paru le 29 juin dernier. Le 39-20. Le 39 juin. Sur l'album Volume 2, Every Tongue Shall Praise Satan. Praise Satan, Dr. Pendragon, praise Satan. je regarde le ta pochette d'Omen, le premier album Battle Cry. C'est épouvantable. Je voulais te faire chercher. Oh, c'est très drôle. Tout juste avant, on a eu la formation également Endless Voices, qui comprend des membres de The Antichrist Imperium et de Hacker Coke, avec la pièce Rabbit's Curse. C'est un petit peu weird, là. Mais moi, j'aime ça quand c'est weird. Non, c'est correct. C'est paru sur l'album Frighten, paru le 27 avril 2018 sur Candlelight Records. Et on a commencé avec Isan, Lend Me the Eyes of Millennia, paru sur son nouvel album Amer, qui est paru le 4 mai 2018. Isan, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est très original. D'album en album, s'il se réinvente, c'est vraiment cool. C'est pas mon meilleur, c'est pas la musique que j'écoute, c'est pas mes premiers choix, mais je respecte fortement le bonhomme et son talent musical et son originalité. C'est pas vrai. Non. Oups, t'es en onde, tu l'as. Ben oui. Allons-y encore avec une présentation de nouveauté, cette fois-ci qui s'adresse au Brésilien. Hey, je les ai même pas écoutés encore. Ah, ben, moi, écouter ça là, là. Tu vas écouter ça? Ben, en fait, pour deux pièces. Enfin, non, mais là, c'est un teaser. C'est des spoilers, ça, là. Absolument. C'est à toi de te réveiller puis de te le procurer avant. Il est disponible depuis le 7 septembre 85. Je les ai, mais je n'ai pas eu le temps de les déballer encore. Crazian et le nouvel album Scourge of the Enthroned, leur 11e album qui est paru le 7 septembre dernier sur Century Media. Juste une bref, petite lecture de ce que j'en dis sur la chronique. Une chose est certaine, avec Crazian, ce trio demeure toujours la tornade brésilienne du Moi, métal. Ça m'a toujours frappé en spectacle. Ils sont juste trois. C'est incroyable. Ça sonne comme 10. C'est incroyable. Incroyable. On en convient qu'en studio, les gars peuvent faire des overdubs. Oui, mais live, c'est mais live, c'est refait exactement. Moi, on les a vus quoi, trois fois live? C'est complètement démentiel. C'est démentiel. Un album auquel j'accorde un 9 sur 10. Oh! Le Dr. Pendragon a accordé un 9. Oui. Mettez ça dans les calendriers. Un 9 de poule. Un 9 de poule, ben oui, c'est sûr. C'est pas un 9 d'autruche, ça rentre pas dans le local. Voilà. On va aller écouter tout de suite la pièce Devouring Fate ainsi que A Thousand Graves Crazian. Let's go. Hey, what's up, everybody? This is Alex from Crazian, and you're listening to Dr. Pendragon on CFOU 89.1 FM. I'm going to go to the hospital.

Ah, c'est assez puissant, merci. Ah ben oui. Crazyin et deux extraits de leur plus récente parution, Scourge of the Enthroned, leur 11e album paru le 7 septembre dernier. C'est une vieillerie encore, j'en conviens. Sous étiquette Century Media, bien entendu, Thousand Graves, qui était précédé de la troisième pièce de l'album Devouring Fate. J'ai beaucoup aimé cet album. Je l'ai dit, je lui ai donné un 9 sur 10. C'est sûr qu'il est dans mon top 10 de 2018, évidemment. Oh. Je retrouve dans Crazyin. En fait, c'est pas compliqué. C'est pas mal tout le temps pareil. Hein, on s'entend. Non, Crazyin, la recette demeure la recette, ça. Mais une recette fort efficace, par contre. C'est étonnant de voir un trio aussi puissant. Aussi puissant. Ça, on le disait tout à l'heure, là, il y a des groupes là, qui peuvent jouer à 4-5 là, sur une scène. Puis ils sonnent pas de main. Ils sonnent jamais comme non. ça. On va se quitter avec une dernière présentation qui, ben, je pense qu'on va avoir le temps de la présenter en entier, soit le dernier album de Deicide qui porte le nom de Overtures of Blasphemy. Qui est paru précisément vendredi dernier, soit le 14 septembre, sous étiquette Century Media. Ça fait tellement longtemps. Hein? Ben, ça faisait... Ben oui et non. Non, ça fait longtemps qu'il est sorti. Ouais, je pensais que tu parles... Ben, le dernier album, il était 2013 quand même. Là, on parle c'est quand même assez longtemps. Ouais, ça, c'est l'année qu'on est allé voir au Fouf, là. Exactement. Où il y avait Mr. Tambourine Man. Oui, exactement, exactement. Ben en fait, on parle de 5 ans pratiquement jour pour jour, Sinistros, parce que In the Minds of Evil, le précédent, c'est le 25 novembre. On n'est pas très loin, finalement. Donc, ce 12e album de Deicide, Overtures of Blasphemies, ben, écoute, moi, je suis un peu vendu à Deicide au départ, musicalement. Un peu moins live, parce que je trouve que c'est pas mal statique. C'est statique. Quoi, c'est bien fait, là. Mais au niveau du musical, je trouve que c'est un des groupes death metal qui est... bon, c'est un des pionniers aussi, mais c'est un groupe qui est assez constant, la qualité est constante, il n'y a pas vraiment d'albums qui sont faibles. C'est méchant. C'est puissant. Glenn Benton, c'est quelqu'un qui a l'air de nous en vouloir à mort à chaque fois qu'il chante quelque chose. Donc... J'aurais pas fait de garder mes enfants, mettons. Ben, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, j'ai accordé un 8 sur 10. On va écouter les pièces suivantes, soit Seal the Tomb Below, ainsi que Excommunicated, ce que tu es d'ailleurs. Oui. Définitivement, probablement que moi aussi, quoi que je me suis même posé la question. Et si on a le temps, ben, on ira peut-être faire un tour dernier, faire un dernier choix de Sinistro, soit Spiral Skies. Et la pièce est dans laquelle, mon cher... Awakening. Oui, qui est tiré de Blues for a Dying Planet. Oui, excellent petit album. Un album qui peut aussi dans tes découvertes d'après-émission, je pense. Ben oui, effectivement. Ouais. C'est très bon avec une demoiselle au vocal. Ah bon, dans des ranges. Je pense. Tout dans des ranges premier Lucifer, un peu avec une petite bit de Blood Ceremony un peu plus élevé. Bon, on va essayer d'avoir le temps. Et nous serons présents la semaine prochaine pour la dernière émission du mois déjà. Hein? Hey, Seigneur, ça passe-tu? C'est ça en agréable compagnie. Hein? Présentation des albums marquants de Sinistros, soit Metal Health de Quiet Riot. Et moi, Dire Tribes de Napalm Death, ainsi que quelques petites farfeluteries passées à gauche et à droite, par-ci par-là. Donc, n'oubliez pas d'aller consulter le blog de mon ami Sinistro sur lamort.com avec encore une fois des menteries, c'est des n'importe mensonges. Quoi. Mais oui, tout à fait. Des albums que j'aime pas, mais que j'en sens haut la main. Il est tout un licheux, lui, finalement. ce vendredi, ici même, assez fou, dès 11h, rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock avec notre ami le Rockmaster René Lefebvre. Je n'y serai pas, malheureusement, cette semaine. Je ne puis y être. Et aussi, bimensuel, les émissions de notre ami DJ Tower of Death et Subversion sur SoundCloud. On se laisse avec Deicide et peut-être avec Spiral Skies. Sur ce, allez tous vous faire foutre! See you! pauvre petit gars. Excusez-le. C'est où?